Bonjour. Nous sommes encore revenus aujourd'hui sur notre plateau, La Voix des Jeunes, Uronsi Kambana, à Radio Tandouk Online. Et comme vous l'avez lu, aujourd'hui, notre thème va être l'appel de Kardiak. Pour ceux qui connaissent déjà la société Diola, vous savez tous que la cérémonie de Boukout est l'un des événements des plus ultimes en milieu Diola et que donc tout homme qui est de la société Diola, avant qu'on l'appelle homme, il doit falloir passer par cette étape-là. C'est notre culture, c'est notre tradition et elle reste encore ancrée dans nous. Et cette année, c'est Kardiak. Donc, la nouvelle est tombée et que ça se prépare activement pour donc cet événement. Et c'est pour cela que Radio Tandouk a choisi à inviter aujourd'hui un des organisateurs qui s'appelle Yaya Sonko, qui va tout à l'heure être parmi nous pour répondre à nos questions dimanche par rapport à cet événement. Donc nous vous souhaitons bonne écoute et nous irons donc bientôt chercher Yaya de Dakar qui va être en direct avec nous et comme d'habitude il va donc faire son exposition et puis on va lui poser directement des questions à partir du studio ici et par la suite. On va ouvrir le micro aux auditoires, aux auditeurs et puis ils vont pouvoir lui poser des questions directement. Merci d'avoir été encore fidèle à Radio Tandouk Online. Kutiom di kulinom injomo ne saful mi u kamirika janten Radio Tandouk Online ulikom ku di kaisenu mata jat kemikeku panku jau mati bukutebu bati Kardiak finkin Kardiak ku onkolal donc bot futampa folil donc mo kamijat done manu onkul Yaya Sonko atibo Kardiak ombo babu Dakar ko kombiri ka préparer ko e kam mukana mata bo mata bu kutabu mana jotate manu mikal mana isolal bu kut tay bu purumulo bu kut wa kam mi mankam bu kut bu kané man Kardiak ca kula bola finkim be bu kut donc mantere u jaal ola ku jënkeru reku eliyay panote ba yaj donc do tu jaat yaaya panare golal bu jembe kanokor eno e uli kokuri esafu mamak mi ko amerika janten Radio Tandouk Online man donc u jaw u git u ngesul yaaya mana jol mana mikenolal iyo Sonko, vous êtes donc en direct sur Radio Tandouk Online. Oui. Dans l'émission La Voix des Jeunes, Uronsi Kambana. Et aujourd'hui, nous allons donc parler du Boukout en Casamance et l'exemple de Kardiak, comme c'est Kardiak qui a appelé pour cette année-ci. Et on va donc faire d'abord une petite présentation. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis, on va y aller directement, bien sûr, on va faire une alternative en Diola, puis en français. Oui. Donc, Yaya, qu'est-ce que vous faites à Dakar? Merci, M. Kembe, pour avoir bien voulu m'entretenir à propos du foot. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un événement extrêmement important dans la vie du Viola. Et à cet effet, je me remercie. Donc, je suis à Dakar, je travaille dans les hydrocarbures, je suis facilite de formation. Et depuis, je suis là depuis pratiquement 20 ans. Je ne dirai pas la compagnie dans laquelle je travaille parce que ce serait de la publicité. Et vous qui êtes des dégâts, vous savez ce que cela veut dire. Donc, brièvement, c'est ça. Mais au niveau de CASTIAC, de l'association de CASTIAC, du comité d'initiative pour l'organisation du Boko, je fais partie, je suis membre donc de la commission d'organisation. Et c'est à ce titre qu'on a bien voulu vous donner mon adresse. D'accord, Yaya. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde se prépare activement pour aller répondre à l'appel de Karchak. Depuis quand on a été mis au courant que le Boukout sera célébré cette année à Karchak? Effectivement, ça a été la surprise générale parce que le 21 janvier, si vous me permettez, le décret de l'organisation du Boukout à Karchak a été signé par les sages. Donc, cela ne fait pas longtemps. Et si les choses se passent au mois de janvier, vous savez que c'est la surprise du général. Mais comme on dit, le décret, c'est le décret. Et si le jour-là, quand c'est déclaré, tout le monde dit, doit y aller sans demander d'explication. D'accord. Et donc, vous êtes à Dakar et apparemment, vous avez commencé à organiser des cérémonies. Il y a des étapes, bien sûr, qui se font avant l'étape ultime. Et à quel point vous êtes présentement? Depuis le déclenchement de l'événement, nous avons commencé d'abord à nous réunir pour mettre en place les modalités d'organisation. De la danse, parce que comme vous n'êtes pas sur le sens, comme vous le savez, la Dakar, les gens sont éparpillés à travers différents quartiers. Et il faut savoir qu'il y a, on met une porte au niveau des populations de Karchak. Les gens ont épousé des violents, les autres ont épousé des femmes d'autres ethnies. Et cela, donc, il faudrait qu'on organise cela. Et comment on s'est pris? Donc, on a tenu des réunions, des séances de travail, du comité d'initiative, et présentement, nous sommes là aussi d'ailleurs. Chaque samedi, nous nous réunissons pour faire le bilan d'étape et puis voir les perspectives pour faire un suivi et le déroulement de l'événement dans de très bonnes conditions. Et ceci étant, comme vous le savez, en matière d'organisation du Boukout, quand on se réunit et après on prend des décisions et je peux dire, si vous me permettez, toutes les libertés individuelles sont pratiquement suspendues. Il faudrait donc obéir, sans demander le pourquoi, aux décisions prises par les sages, parce qu'ici aussi nous sommes passés par des sages du village. Et donc, à partir des réunions, on a fixé un calendrier de travail et on a commencé les séances de danse pour que ceux qui ne savent pas danser apprennent à le faire et ceux qui savent danser aussi arrivent à se parfaire. Ceci est extrêmement important. Et également, au niveau du programme, il s'agit d'aller faire des visites de proximité à des gens ou des autorités ciblées à travers les quartiers, après bien sûr leur accord. Et ceci, je pense, entre dans le cadre de la formation, de la culture du Boukout en général, de la culture viola en général et du Boukout en particulier. Parce que comme vous le savez, nul ne peut faire la promotion de notre propre culture. Or, le viola, ce qui l'a riche, je crois qu'aujourd'hui, c'est le Boukout. Et Et puis, on devait se dépasser de beaucoup. En fait, pratiquement que les violas n'existeraient pas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que la langue viola est en train de disparaître au profit d'autres langues, particulièrement au long. Vous comprendrez que je suis loin d'être ethnique. Mais c'est la triste réalité que je vois. D'accord, Yaya. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vivez à Dakar malgré tout les aléas, comme passant par la profession, passant par la cohabitation avec d'autres, bien sûr, qui ne connaissent pas notre culture. Malgré tout, vous faites des visites de proximité, des cérémonies qui s'organisent d'ici et là et que tout le monde s'active. Avec tout ce que nous vivons actuellement, la forte immigration et tout, pensez-vous pas que c'est un problème qui mérite d'être réfléchi pour le futur par rapport au choix des dates et par rapport à notre manière de faire? Allons-nous vers une réforme, par exemple, pour Diboukout, si je peux me permettre? Là, vraiment, vous touchez le fond du problème, parce que moi, je vous dis, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une décision prise par les femmes. Et ça se décrète dans le droit sacré. Alors là, comment réformer le Boukout? C'est ça la question. Mais qu'est-ce que c'est en réformant le Boukout? On n'arrivera pas à enlever toute notre force de résistance par rapport aux autres cultures, à la pénétration des autres cultures. Et là, je pense que le choix des dates, ça pose un problème réellement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Depuis qu'il y a les formes, c'est extrêmement difficile pour que les gens programment beaucoup comme on aurait souhaité. Parce que vous êtes pas, vous savez que dans les cas, ça se passait entre mars, avril, mai, juin, mais maintenant, il y a les formes, il y a les examens. Et il y a, par exemple, cette année, vous nous posez ça au mois de Ramadan. Comment il faut s'y prendre pour arriver à organiser cette séance de rentrée dans le droit sacré? Là, c'est extrêmement compliqué. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenir le Boukout. Vaille que vaille. Comment? En le réorganisant plus ou moins, en s'adaptant aux réalités. Je veux dire par là. Maintenir les dates, la rentrée pendant pendant les vacances. Mais dans d'autres villages, par exemple, les gens le font pendant les vacances de Pâques. Mais cela ne peut être possible que tous les villages, par exemple, qui décrètent le Boukout seulement avant. Mais quand à Kakak, par exemple, où nous ne savons pas quelle année sera organisée la séance de Boukout, il est extrêmement difficile de choisir une date. Si par exemple on le savait avant, moi je crois que le mieux serait aussi de l'organiser pendant les Pâques, parce qu'il n'y a pas la saison des pluies, il n'y a pas l'eau, et là les gens peuvent être tranquillement, pour venir tranquillement, sans se soucier des travaux champêtres, sans se soucier aussi de la proximité qui va exister dans les maisons pendant qu'il pleut. Et là vraiment c'est compliqué. Mais je pense que chacun, ok, peut l'adapter à sa manière. C'est-à-dire en choisissant l'état de l'organisation, selon les réalités locales, comme je viens de l'indiquer. Je ne sais pas, comme des villages comme Yegoum, il y a le souvenir qui se passe un an avant. Donc eux, ils peuvent vraiment choisir par exemple la date des pas. Je me suis dit qu'ils se sentiraient vexés parce que je ne peux pas le faire à leur place. Ok. Ah oui, donc vous rejoignez ma question, d'où donc je pense que c'est utile que les gens s'assoivent autour d'une table et commencent à en discuter. Bien sûr que sans enlever les tabous, sans enlever les décrets, mais aussi conscientiser nos sages pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui il y a des engagements par-ci et là, comme vous l'avez dit. Parce que si aujourd'hui on se trouve confronté à ce problème, il y a le mois de carême, il y a les examens, il y a des élections, donc il va sans dire qu'il faudrait qu'on prenne garde à cela. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que des gens se déplaceront du Canada, des États-Unis, de l'Europe pour venir à Karikiak pour assister à l'événement. Ces derniers, s'ils ne connaissent pas à temps les dates, c'est vraiment très difficile pour se libérer professionnellement et pour même avoir des billets d'avion pour se déplacer. Ok. Maintenant, on va aller par rapport aux préparatifs. Vous, parce que selon les villages aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous aussi à Tandouk, il y a un événement qui se passe un an avant, on l'appelle Bouril. Et dès que le Bouril rentre, on sait que impérativement, c'est l'année prochaine. Donc, effectivement, ça nous permet d'avoir au moins un délai. Et chez vous, avant donc la rentrée dans le bois sacré, qu'est-ce qui se passe comme étape importante avant le jour? Avant le jour, dès que... Allô? Allez-y, oui, on vous écoute. Oui, quand, par exemple, vous savez, ça a été déclaré le 21 janvier 2012. Il y a une étape importante qu'on appelle Bounig. Bounig, c'est une cérémonie qui se passe normalement, c'est pendant les récoltes. Et comment ça se passe? C'est deux quartiers de Karikiak, Yetumoun et Batignaloum qui l'organisent. Yetumoun qui va trouver Batignaloum après un cérémonial rituel. Il se dirige vers le débarcadère ou l'embarcadère, je crois que vous connaissez là où il y avait des chalands en son temps. En allant vers Ibinkina, traversant le bras du fleuve Baïla. Alors, à partir de là, les futurs unités sont alignés sur la route et on donne le coup de fusil. Et je vous assure qu'ils vont courir une distance de plus de 20 km. C'est à travers des rivières, comme vous connaissez Karikiak, à partir de Eska, jusqu'à l'ancienne route qui relie Karikiak à Kalagi, ils traversent cette route et vont jusqu'à la fin des rivières de Karikiak qui se situent au niveau de Gétombo. Et là, je vous assure que le premier qui arrive, c'est lui qui est le gagnant. Cela montre la force de résistance. La force de résistance, l'état physique des futurs unités est important. Si vous avez connu la forme, vous tombez. Parce que cela montre que vous n'avez pas été ça, si vous me permettez l'expression. Ouais. Et si, par hasard, le futur unité enjambe une gerbe, parce que c'est à travers les rivières, automatiquement, cette gerbe est acheminée chez le futur initié, parce que cette gerbe devient sacrée. Et je vous dis que les anciens, ceux qui sont entrés dans le bois sacré, par exemple, en 1949, vont jubiler ce jour-là. Et quand nous acheminons vers le lieu de départ, aucune personne, aucun animal n'ose traverser la route. Tout peut être abattu comme un animal. Parce que là, tout le monde est averti. Tous les villageois, tous les autres quartiers sont avertis. Comme quand nous allons célébrer tel rite, tel jour, vous pouvez venir voir, mais vous n'avez pas le droit de couper notre route, comme on dit. Quand nous nous débarquons, quand nous nous engageons vers le débarcadère. Et cette cérémonie, après l'arrivée, les futurs initiés, ils reviennent au niveau de la place de public. Où les anciens, je dis bien les anciens, qui n'ont jamais dansé, même s'ils ont 100 ans, plus de 100 ans, c'est ce jour-là qu'ils vont danser pour montrer aux gens, aux futurs initiés, que le groupe n'est pas une mince affaire, c'est une affaire extrêmement importante. Une chose extrêmement importante. Donc, après cet événement, vient maintenant ce qu'on appelle le Sigolato, qui a eu lieu le 7 avril. Le Sigolato, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'événement qui donne le départ de la coupe du bois de chauffe qu'on achemine, bien sûr, dans le bois sacré. Et c'est durant le Sigolato qu'on donne le bois sacré aux futurs personne future initiée doit tenir et mettre sous son lit, partout où il va, il doit avoir ce bâton. Parce que c'est lui qui va le protéger. Les femmes doivent avoir peur de ce bâton. Et après, ils vont, après le coup d'envoi, c'est une cérémonie, je vous assure, qui dure du matin jusqu'au soir. Après, il faut aller donner le coup d'envoi de la coupe du bois. Et c'est là aussi, c'est un événement extrêmement important quand, par exemple, celui qui a gagné la cérémonie de Bounigebou doit monter sur l'arbre. Et cet arbre, nous l'appelons Boubirik. Et Boubirik, c'est là, dès qu'il abat, dès qu'il coupe une branche, je vous assure que là, les coups de couteau, je ne sais pas, c'est là où vraiment, vraiment, les hommes invulnérables font preuve de manifestation pour montrer leur invulnérabilité parce qu'ils sont extrêmement contents. Et après les séances, la séance du coup d'envoi, les jours suivants, les futurs initiés vont aller couper le bois. Et là, en allant, chaque fois, ils vont avec des touffes de riz pour après manger. Et ça, quand ils voient ça, ils n'ont pas, vous les anciens là, vous n'avez pas ça à réserver aux futurs initiés. Donc, après cette cérémonie, on attend le jour, si vous me permettez, fatidique. C'est-à-dire la rentrée dans le bois sacré. Ouais. Qui, malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas fixé dans la rentrée. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Yaya. Donc, on va aller maintenant, comme il s'agit d'une cérémonie Diola, on va aller en version Diola pour revenir sur nos questions qu'on a déjà faites. Donc, Yaya, Karekiak Kouanke, Bodi Bukut, Mokami, Don Epanouankulo Tate, Boti Radio Tanduk Online, Manu Mikel, Mati Bukut. Kap fason kuban di kulang kubato londo yake mata esuko suku di bukana ya molil. Donc Anjola japani jol ikumase tandu ringu temi di en français toy mi tay. Est-ce que di wono wono mata ku jenkeru reku panku tebeli ay biok ku kontan. Ku jenkeru reku ku jenkeru reku di lobe eli ay pane yaj. Rama Oliver mi ya ka kure suno re ti arandu ka ho iyo utum ke ni ne sitare iyo oni kokba ti ka ga ku bangeke ke dura no ta na de karka ta mangi ke mati vrema karka ko kata kata iyo emite le den karka pa bu no le kokan ma bu kala ku kan mi burom do ma ma eden ma ko ta aw fo tuni am le tuno baru ni kan omang tu cula ni, ajar kiri lagi kan dah bilok, dah terpuset, mau kami wala pun wala kiri. Iyo, kama pambijul. Donc kution di kuli nom jat. Donc na mandilo bomo yaya sonko mata mo kamiri koma seta to mateli ay mata ola tu aki panu jow mo bu kutebu mateli u aki rejo mata palol aki rejo mate manj. Donc rane ji yaw eli ay pambe hek. Donc jat yaya sonko romari kemik andu manji ati karechak omu donc komisyon ay amerika organize mata bori bu kutebu yaya bonam bo Dakar bo Naroke archivist. Donc yaya manu solle na lol mata donc bu kutebu nay kulako e buko karechak kuyoko rikwone olal finkim panu ja bukut yo merci beaucoup ken re solo ni le ngrele le ti ti la law ken sey parce que ngel woro man bi ku keunuma ja ko ko do ri do donc merci nanu ne ma ti ta vi o pa ni telephone ka panandi ko no yale ko ni ron no yale atom. Alors, la yemi que bon, et mon doré est récarregabou. A notre entendre la commis, pour qu'à courirer, pour qu'à l'ombo, à redire les familles, érigé, mangesigaba, panorique matisoumoutou, panorique matibetéanié. Après, faut pas, c'est le de la gueule. On a qu'à foutre dans vos papiers janvier. Alors ça l'est long. C'est tout dit, nous faut. Parce que, alors ça l'est tout dit, nous faut. Il fait qu'à l'autre, il fait qu'à l'autre. Et je crois que les gars sont dans vos mères à ce qu'on y a un coup. Même les gens ont l'air de m'en doucer dans le coup. Donc, le 21 de novembre, on a qu'à partir janvier au Bami. On a qu'à partir janvier au Bami, 21. Dernier, c'est au Bouillet. Non, quelqu'un. Quand on me prend la petite, mais vous carac m'a dit, il faut lire la foi et casse. Et elle est pour ma consentir. Mais me côté les connards. Iyo, d'accord. Donc, nye yat tay jom di mataka prepare kete bu kute bu. Yo, nye kete jom ni ya, dena de Dakar ni koku bo, di ka bomen, si chua koku bo ka bomen, binyona koku bo ka bomen, gambi koku bo ka bomen, kol da, kies, epi ya do yona, bu, kakak, yo anasa nungo ma, matigo nye di nosis pa ku bomen. Nye, wakana koku bo deja, papa wang kone kan, fariya tu burul mama mana jual la kan ni so mampu kan aku dengyo buku bi mereka mampu tepu jabor aku dekor dengyo buku bi mereka mang deku kok kam deka aku aku bi mereka ay di bangku film fumi ulir orang aku donk eh aku kok anak serumah mai tapi panu jual mati bukai la bukai tu mati butendu pas kufung pulu butendu kok aku kerja ulir butendu jual mati buku lisi deh. Donc, toi, Romney, parle de l'autre, donc, par un égard, quelqu'un s'en commune, un autre, du même manière que moi, un autre, un carré, Mambi, Hagaya et Jack, Mambi, et faut t'en faire pour Jack. Donc, Romney, gars. Et moi, je pas dit, bon, ma télé, je parce que déjà, à partir du jour où l'eau, vous on est comme pour l'aïe. Donc, Romney, la poker est un bain bayite bobo reka ni bayite bu dede re dakar barbare même do kaka o kana ko yeyo bur ci ko tan do wa mo ne ci ta la pali wala wuli re getu mo la tan non ende du o ye ton bu ka ko ko do ye ko no tan ko bu ka ko do ko ba ko donc do tu ba fala bu ka ne mam bu ka ko do bur ci ko donc pou la do ye ko ci mam bu ka na ko mo le ko ni la ko no kay kayra du ko lu kayra parce que dormi estan parce que ni ka dit ke baba re kiyo se bu kana ku bu ko mo tadi ko nami fo am tento doue. OK, iyo, merci. Donc yaya njomuy ka rappeler matami koko ri ka suivre radio tanduk online émission an cloqué buron si kambana. Donc buron si kambana na mandu manjum émission andu manje ku kambana ku tate ku jeng ku jajor samedi o samedi mandi kumik jat ola ko kuri kemikri yaya sonko ati karciak mata bukute bu bankomi ka prepare bote jawri bo yaya yari bentom yoemi jat du manja ma mata ajolaw ale tintekon ka koku Dakar na mandu lobu mom ka koku Kolda ka koku Suy ka koku France ka koku États-Unis ka koku Canada banjat bukut normalement anyama anosan tandomi ujam esukom bukut pan ito manu jaw u jawmat dukanka nambach u kanu tambach me panu mangbote jawmat di buroka bu basso fola mbandu kammi buyoku pour la karitiak mono a banoban est-ce que jaat gi wonoro tumati il faut man u lakwal mu sankenal di ku kutiola di kampolal ka kemmi mukanaamu mbi u lokaliel fu lay fandu jale mboka noken mbuju kale wata andu jale mboka noken dio est ce que donc kemik ku warout ku baj man u ngolenal u rampenal la majorité di yate bu kanaku kamitien non non non non parce que jate de ndaw di xew karta o di faka ko di di tane di u tini le to emit apa on par exemple kando parce que nous on dit c'est pour fait avant donc thinking pour l'eau par camp en kit et problème est qu'il y a aussi il y a qu'il n'est pas de la possibilité il y a une fois que il y a qu'il y a qu'il y a donc les numéros 79 on y mando y est on y rend au coup que c'est bon et ou qu'on fait mando y est c'est bon on y est mon temps pour samedi dendi yu neno. Seti on neti men on dendi. Samedi tova, samedi yapilo. No. Okubi eti evi neka. E uwa lento tova nota. Ok, lule yu, manu yu. Donc, kello yu. Bala mako wa bute jam, buti pati ukepi ye, bute yu. Seni seni. Bato. Ya, la, no, leka. Niwut. Dine de, tawa ya nota ne leso. Akseye di neka. D'accord. Donc di janjam mandaro ko meno donc pani benen to yake yemi est-ce que parce que jaat oli baberu loy loy du janjang ko ke ko commencer lok nier pan bu coute bu kanoke nak pan ko kan après son ay est-ce que fofon to nier sosof officiellement pam bi bu kanako noken après esun ay. Allô? Allô Dene? Est-ce que ñeena manulu jambom mu ñi keñi nge ku panku kan après basunga bu fofonto sosof pankan après esungay pito do kon katia fukine ritubo ya de tamon ne kamoyo terino de lor ni ke semene rek ko no me kato pagit patiyam kutene di ngengo so ko ni ko ke de reno ga koni sole tinulu putamayo ako ko bare ni mbok tin ko jamay bare après tongé après tongé ne tiofi a oli baget ni ni famam famam tankay ya di jamo waxtu yo wandi du wali bo la pati wati ya ndu man jone bu kala rom fan soumi do re do bare baget pour na passer no di fola. OK d'accord ñe manu jala bori tay ñe jom waaw ngañoé comme mu kanay makane important mata bala kumba cha ko kunoken. OK gëna ko mom parce que na fu na ko fu tampa ko bu kana ko tek ku pure lo po mi papa wa mu kana ko kanay wa fone yi wuni wuni ga ko kili ya ko lo ko kanay kar ede ke tumbo mante buba mutanda bubu fami batikar chak di kota e di tubu e di sa todi di trompeo e e o di mem kilometro kono sono kunyet donc ban wate kilia amba to le tari le kara donc o bete manda tunge abi benga nanda bi me ngare funa ka fukilia bukana ko ko mangi mati ume emite tenni. Parce que futa pano samba ga andete et pour l'auto de kuchi ki no mate buto ta pour une ni jetumbu iko kale to munyemu et a partir de ce moment na ku kale munyemu ku ba no ku wona de pourri de kura et yo e kili adem ku pour l'auto iko jo butan ku gomene du gomo dor bi ne manji pour na ko ni pada kate ni 1928 kate ni 1949 fa pour na ti wona ma ko parce que wao tuni tu papa ba wa de kilia ceremonie e kilia na de neba fa ko bolu de tukay bro de ketum mo matinga lo kutur lo de bro ngam net ana net no kura ana net kaye no ping bro ngam den pas. Dans des pourtons, je connais nous, il y a des épithètes qui voilà. Épithètes qui voilà tout. Il y a le 7 de l'année, avril. Il y a un jour où on est, nous avons un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, I am not a man. Les deux années, du jour, pour expliquer les années, pour que tu ne sois pas, parce que tu es un peu plus de temps, pour que tu ne sois pas, pour que tu ne sois pas, dori bare ko le tele fi ap aw ne kadi kere kana kan de madu kana le bala made de lu kana la la ma manja ba keriri o be mo sale na amba keriri bu koy fanena bu sale na bone bobu ngir eden ma wi den de pale ha ngir dine ne anotan e ko wala yo ando am wone do makku wayna mo wa na mu kala ko vime e te o che unganye bare wao tu wonye wandulo ne ge D'accord. Donc, mi koku re jam e jankeru re di pare sisaka solul di pare osamata wolul mata pansum panteni pan eliaetebi. Donc, jat donc yaya romar tatiri kemik di metebuku tebu bati karechak. Di Radio Tandouk Online, La Voix des Jeunes, ou liko kuri karapole ou mata donc émission yando fase baje baje samedi au samedi à partir de midi heure yata boba au Sénégal. Nako nako baje baje wafwandu mika le mo matari mo bandu manja mata ajole ya ralo lobo mo di nan interview yola upure nato bukut ah kare saka ajole panko nganyo. Donc mo kamijat karicha ku wonke ola tu ko kapare bote jabo yura expliquer mu nyaaw mena isola mu kana mu eno ni mandulo be mu nyaaw fugola fa kammi fengim done amba chaw nanyira ken fom bano banda bile pour panangar fo mana jaw na mandi imike mbyoki loto mata reform jat ku kamba chaku dance jat kamba chaku lekol jat kamba chaku burok ni mu nyaar la ko jat jaw be dance yi panakato fugola fu panang mante panangaru fu. Oh, mais je me tape un rumeur, mais je dirais pour lui, pour ton anda. La photo pour le rumeur, voilà le rumeur, mais divers. C'est à dire, vous souma ou le cas, vous tout, vous pouvez le faire. Ben, d'où quelqu'un, n'y a de l'eau quelqu'un. Ambac, dans ce qui est, football et cricket. Football, papa, nous m'avons dit, pour rasta et cricket. Mais c'est le cas que nous menons pour le coup. Pantalon, équipe, jupe, robe, surtout coupé un peu, comme je connais, ce soir, les mambés, vacances, je connais ma foudre. Et Kambacha, Panena par Dakar, Vigienso, Vignola, Horda, beaucoup de coups bons par Wallis, Mankuto. Donc, on est dans ce wall, il y a comme Ambach, le premier pour avoir nos côtés cailloux. Yo bukan aku nenek tu sendiri soli dan lu kayo tampuk tiki tetek yang lu asone anak ngoler tu tu wadosas so kunjungan bahas dasar anak kanya tu sebut yo dah anak kanya tu nenek tu jauh jauh mubaik tu jaki arus sesat sesat tu pure puringe apar indigo lagi folklor ya ke yang lu tekan dasar dan leh yang lu tekan lu kerja. Vous êtes obligé parce que il a une ligne pour dire que pour nous le mettre à l'écoute. Autant qu'on dit, adieu, voilà, nous sommes. Salerno tampoco. Parce que nous prenons le catalogue à Dieu là bas. Parce que déjà, Koudjoule, c'est un peu plus de 5 ans. Ok. Koudjoule, Koudjoule, c'est pas le temps. Nous avons fait le Koudjoule, la Koudjoule, encore la Koudjoule, pareil, Koudjoule, Koudjoule, Koudjoule, Koudjoule. Mais voilà, est-ce que Mambi, Anne, Aïdou, Man, Afoy, Wano, Moukeni, Néo, Mouloula, question de Yonou, Ngirene, ou la longue molle à Mouital, Man, Afoy, Moukeni, Néo, Mouloula, Mambi, Anouassan, Dabouya, Aïdou, parce que Aïdou, Anouassan, Tandon, Warene, ou Ixin, Europe, Mabi, Aïdou, Bajou, Diab, Sénégal, Bajou, annonce à ma bouille toto, manusou, j'en ai fait un gars. Une journée, elle en coupera pour jouer le groupe, elle a coupé le groupe, manque sa barre, manque yola, tapouna, coupé, c'est une comatine pour jouer. Une guitinote indiquée, et tu me caramatin ya jouer. Parce que, baguette, baguette, ni yang, ni yang, a jouer le gars, tu es pas d'eau. Parce qu'on a regardé à la démocratie pour Paula. Ok, yo pani benenito ulinye kambondi kajato rakore kajaburu ngaku babe kamir kajante nola kamir Canada kuma manji paske babe kandulu ben les autochtones les amérindiens la kokokubo malgré le développement mais kokubo rekumefu akoli donc mukana amoli kukatutubo. Donc mi le ñu li benen to uye e question yandi yabe yata tiola la ke ati kana kutendu kareso Babacar Salifana jata mandami munye omu afinyam bor America jante ne mission ay dané est-ce que baba explication traditionnelle yanemi parce que d'après Emanjayola karetia kukane kan le tour yete buluf e jawri esuk mais les rikuri ngou tenduk est-ce que baba jito explication est-ce que moi mi mo mantelemo très bien tali panari manjoma ngi tali panari njoma re sa policy iyo explication traditionnelle ka mbalo boyo parce que comme yori no bomita te en 79 nam buke nak wara no kuri ngou parce que uli mandu pour bi par da ni ar ko loga ba patia ndu jetumbu e aussi wa o se bala pour boko yandir souf boulo communauté rurale yati kataba nanon de ngum u yeku do luri ngi jiman bu jeko mandu pour uri ngi jeko toru jame mat sa ko furindi du la ni do bu jiman do ro tuti ne mambu kala ko soke ne de ndemo funa ka ko kupuma no tuto fulay de luy bu kala de do ba se bu ter do mante bu kay bu ci no be ko a su nyamba bu tut mambu ko ban bu su bro kan ay ni no fiful ano sanan ak xerca ou les humains et mangerito. Ce qui crée que nous avons fait pour théologie, il s'est trouvé que famille Yanosan, nos familles Yanosan et Nomi, qui a remis une responsabilité, on est manqué de Pouchi Koukoumoali. Mais malgré tout, on est baillé dans le sou, mais par avoir un avec 79, il y a mal. 4 ans pour le jour aussi. Au caractère, pour parece que se sumere no terreno e baixo a pessoa não tem do que ir muro para não ir muro de tendo nem fazer pinini ou errar da comércio e até é caro o tipo de ter a conhecer a pouco leco esse pandinha o sandia não sandia tem mais mãe que toma se para lá dentro porque eu tô tendo não me queimei no lugar que eu puder assim andar para né ela não pode queimei no lugar para conhecer a coisa leco esse que não está gerando leco não é conhecer a coisa. Eh yoro da komitate so o kana ni limite ya bar hama ya te mukana bana tempo la nota a o le roman man iri mu ko are ni bukara kuri mu lo ko man dira go me wa pat kare ingi personal mai metri do ke ima di ko puna ka po ima di to fo bar hama o le ma bu do rin di no pa nota e san pa no no ingi sa po nye ende to tu mo e le gunta po ta bodo e D'accord, merci. Ombori et Jami Fanfang, parce que Dani, malheureusement, a ken to bandami, a ken to casque, mais Ombori kajante n'émission, aïe, afinyam ram. Donc, Salifana du Djandjam, Dani, mengiye mou leto, bampop, règlement et leto, toto, kubukuta, ba passe, mais kujal, jaubi, kujiringu, jimend. No kujami mata, wata eringi, uja abori kareng. Momu kamiri kulan kulan to leaf, kulan, me wafo wafo leto, eno fi la pambi, bajo. Baji tang pembi kuri nguru donc ji parisi beso lolu umbe jebu ji man ko tokoñ d'accord donc chers auditeurs nous allons maintenant ouvrir le micro à vous si vous voulez poser des questions vous pouvez rentrer il y a Yaya qui est en ligne avec vous et puis il va vous répondre il va répondre à vos questions donc Yaya nyapano ola bokana kamirika janten ana sana mami ke poser question dangole na wonku mana poser en direct sino aussi enangole nuta a wonku manande dangone popa bonyuyo man iloboyo man a répondre olal ok je reste à l'écoute ouais il y a comme ça un auditeur qui est en train d'appeler au commandant aralol En attendant, pour nous, quand on a déjà tite beaucoup musique. D'accord, merci. Allô? Allô? Allô, Muniru? Allô Muniru? Allô Muniru? Allô? Allô? Voilà, Yaya Kob. Donc, on a actuellement Muniru qui est en ligne qui va donc poser sa question. Muniru, allez-y, un peu fort. Fini, je vais vous la reprendre. Ouais. Allez-y, Mounir. Oudia, Mounir, Oudia, allez, vas-y. Ok, donc je disais que donc, Manitouam de Asson Kokundo. Asson Kokundo, de Balabara, de la Kankanen, quoi, Matilde, quoi, Koufou Moro. Moral, vous voyez. Asson Kokundo, de Jamme, on a mangé, Asson Kokundo, on a mangé, Asson Kokundo, de Jamme. Vous pouvez le faire. Bijatu atau langsung ke kendungu melambang lalu ku ketika yang dia mati sibos. Oleh jenuh kena tahu sepada jahat sangku kendungu ayah kumul sibos semangat koki. Ombalan lah pada dak. Pas ini cuman lak. Ini cuman ebe. Mbak aku jenuh kendungu ayah butuh kendungu. Bagaimana itu sangku kendungu? Son coco no se va a traer, se va a traer fang. Yo creo que acá tocó el golf. Ok, Puerto Ya. Fue tan tafu. No, la mano lo que me puede retirar, mano. Niño, manto. Mamá, me can. parce que dans en 1979 même beka dit que la population était quartier que pour muti en ko kono butumbo ah adu la pano eto na pin malaga na suko suko ba mo kana ai wala popo campo campo la wala botel la fi nonu kana ke nit e ba ke imposé nonu kana ke nit di boko. Parce que même de tout n'est pas statique. L'entraînement est radio, mais. Parce que mancanha se cotização quando o Becker e o Clube França não cotize não põe recurso na manhã para assumir um banho lá já o povo aqui rim também não mande manter esse pinto eu sou meu cona já mati se nem aí tio olha entre a mão não é escolhe entre o como mana fabel o ponto banyak muka nak buka banyak futang performa tu sana ya mo wabi mereka ni mang buka nak kufang mang ku anggar je dia ti tu sana ya kan riche rili pun mana kan ayi ni pas kerja ini riche ni jiske nenengnya semantur tu jadi menteri bawa Australia tanah tu aku bawa nanti kerja. Eu vou ser negar para não romantar com a pula com filho. Esse corrigiu. O que é que o Flamengo anca na letra de ouro? É que o Robo Ramenha e Fama Anante Caprim. Para ver que a bomba, o material de amana é feio e sumo. E ó. Não há nada além. Bokar cak no nyawan boba ya man tampa boba ya tampa butunduk tampa bobo kaca bare jak no no ra ro beto ejo wa no la ko no manje ulo to kaca ulo ko bicho no ko bom be ke be be ke ko no to man no ra no jar e ke so ni man ku to ke so bombo e ke so yo ko jak no manja ma mate fo tam fo man sa ku kanto nenil. Mas se você não manter a polícia de segurança, você não manter o sabor de alho do cubo, a de santé, o cubo de babu. Nem a mamãe te mangue tão com o carcac, tem como de a massa. Manter massa, pois que o problema é que você não é carampe nesse não. Manter, é que o problema é que a proposta lá é que a disposição é em trem de plano, o autorista central é em trem de plano, se disposição. Aider à l'organisation de ce grand événement. Merci. D'accord, Moniro. Sonko, Namandou Loboum, apparemment, au Diamantoujak, parce que quand on est un peu faible, la réception, Yandou Badjoumidi, donc, en gros, on a commencé, Lobo, Aourouma Mandi, à Sonko Koundéou, à Djemme Koundéou, Manko Djoumorum, Eno. Ban donc bu ko ko ko rika janteni awrone bu kana ku jol panko tebele ay panko re yaj ah mbiji junto ji junto jak dane pambi ku yeme ku ndaku pambi ku jol a benen to dane en 79 nam man du lo mon kala pani baji min jento manteri ba jantene rabo anosandi ba comprendre a bola parce que rane u ngarja juste 79 du li ke juk bu kana kam mi kare tiak kandu manju mata kam tieng par rapport jaat tando mamunye du lañu joker kat karcha kam tieng c'est quasiment incomparable toujours dans le sens de elobay il faut que mambu kana kulako man ku mik di kampola ku fanka kilo mukana yamu umbi ngolenal man du préparer al à temps du manjel yel naybu kutabu bu jembata kani à quelle date umbi ana mi France ami mante Canada ami banosan nangole na préparer mata ke cotiser bo fur yafu dangole popa préparer mata e pass bori o bori kunyolo bori famiol parce que jat e men da nyama are chaka utano santanto ko na mandila bu momino dawara jaw o da nyolo da sekol même aseko sa akanu ta jola mba jaw ma manju mu kana ya mola na mandolo balem. Donc toto tera sanke mabandane bon compte toni que jaat na mandu manjumbu kan kona ku feedi ko wonklo ensemble mais on ne peut prendre qu'une personne à la fois donc kam mi porika jantendi ku fas kone ungaruti jaat di ku manjumo di kone an an déjà di ke poser question mais on va vous prendre à tour de rôle. J'ai vu effectivement Alandin qui a appelé tout à l'heure, il y a Modula qui a appelé tout à l'heure, il y a Libas Koli qui a appelé tout à l'heure et no mokok kadianten donc la ligne kanenka occupé et diwonkul anoranor panu jal biok ubanal donc son ko tate torabajum il s'agissait de Muniru Djemé Ome Bobabe Canada wa onkolom munyawu boten ka poser question a yakilia. Merci, Munir Djemé, je suis un professeur. Je vais vous dire que Parce que je suis un peu plus de temps. Mais là, pour la broume, parce que depuis moi, je suis là, papa va broumler. Que ce soit à Boutendou, Karkiap, Binois. Donc, pourtant, papa, non, je suis là, au Kané, mais il y a mes rôles. Parce que papa, je suis là, je n'ai pas d'affaire, il est collé, il y a plus l'homme, il y a. Je ne suis pas là. Pour la tour, quand on aura pas la paix, pour qu'on a beaucoup de marques, il y a la côté à vous. Libo anno sampat do mi do dara gya taw mu kanada diko ni djumu wolen tujo do ka fuj fuj amna ni ko fi amni kanada general aw sang mi man do fi la fe o tamfa parce que ko tuto ni de ba pat moi tabin ka ningi ko fi de meti taw ko ko tize e o taw mo mangi ngar ko kali ko fali man ko jo ko jo ko wan ko na mi mu kedina mi ya kedina mi kujuria ne kujuko mu burto ne kujutu mu pan ko sale da ko ye no mai do iso manda ono den ko ja pro wa dilo ko dire ko bidel de pa din ene nyute kado to tana to yo anosa moru do ni maware be ka inji man pana ko kana mambu ko sabari yo den den di yule yule te ka sanke na ko do re su kingo mam kuya ko sabari on pampan letu lije e furin koli pam katin moko dene ingi mangi to furin lebo yo abaraka donc il y a yele mu koy die question ayola iregenu ti yodane jaatu manem mi munye comme mu kanay mu jagn est-ce que donc l'état du Sénégal est-ce que baba participation yankou sene mata donc beaucoup ta bandu jongo randi bo ou bien aussi qu'il y a une promesse peut-être de participation malheureusement mate bu jax bu ci xor bare bu ko état du sénégal bu kana ku ci di ak sarkat ci ci baba bu taf ke printo d'ailleurs c'est di wulen baba ki sel de yetene ko ta bu ten lu kala su préfecture parti tampa donc dire wa te na ti meri ko su bi bare franchement ci ci tandinga e ci amor tu anota so okay ma te bagge reño ya fofu ni fofu reño dine ne ko bagge yo kam fa rene ci ci amoro bare le tene bagge mo le rene bagge ba kama ko lo ko ni lo xajo ni kam mi fi ndena kam mi kapilota wa fo donc informateur ya do bagge def buma déjà on est bagge bare ci amoro parce que bagge tu di amoro so les secondes way jamort di badior les secondes yo babaji pop un auditeur anoken lomu ñaw donc modou la momodou je pense on boba bu fan sénégal depuis bignona o meri ka janteno lal ko manu jantena question ngay la modou bu kesumay bonjour way on va très bien. Un peu par rapport à ce sujet aussi important pour le cartel. Ouais, un peu fort, Maudou, ouais. Pour la société, voilà, en général, quoi. Ouais. Je remercie Yaya Toko de la commission d'organisation de ce que vous avez indiqué. Si j'ai bien compris, c'est comme ça. Ouais. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un tonton, hein, juste pour le taquiner. Voilà. Bref, le beaucoup de chez le Bola est une étape très importante. C'est la dernière étape du fils Bola après la petite circonscription. À mon avis, abandonner le beaucoup en société Bola, c'est d'une part faire disparaître la culture Bola. Bon, quant à réformer le Boukout, je ne dis pas que c'est impossible. Mais ce serait très, très difficile. Compte tenu de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que chaque village a ses réalités. En plus, viennent s'ajouter celles de la vie, les réalités de la vie. Par exemple, fixer une date de la rentrée pendant très longtemps sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'en général, la date fixée est difficilement repoussable. Fixer une date, c'est difficilement repoussable maintenant. Si vous connaissez avec tout ce que... Bon, voilà, nous connaissons ce que ça... Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est une possibilité. Donc, il va falloir bien réfléchir si il y a à répondre. Alors, si vous me permettez, je vais terminer un peu en Angola pour vous lancer aussi. Oui, oui, allez-y. Par rapport à ma petite contribution. Oui, allez-y, je rappelle que c'est que... Il y a des gens même qui disent que... Après, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Les gens même qui disent que c'est beaucoup de... Bon, il faut les pieds, bon. Mais, pas seulement mon dernier avis. Yaya, reste en ligne, on était coupé. Oui, ne quitte pas. Ne quitte pas, Yaya. C'est normal? Non, pas encore. c'est mon accueil. Donc c'est mon amoni. Donc c'est pour les gens. Donc c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. Pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce Alors, je vais mettre un peu comme une condition. Merci pour ne pas nous reposer la parole là pour tout à vous. Merci donc Modou depuis Bindiona Sonko, je m'excuse, après entre temps même on était coupé tout à l'heure, il a fallu Ejaubioke et Lani et Wonkolol. Donc Modou, c'est plutôt une contribution. Mati Mandoumika Tomno Niaw, il est passé par Mando Sankenam Mati Mante Mbo réformé al beaucoup de bou manter mbo on est sinon annonce en beau comprendre bien sûr que le mot réforme c'est vrai que libi libi memek mais ça ne veut pas dire réforme ni nga wano san do sansé awo sinon que ejuk wandu fasa na man sonko ala bon totate wakanu mi possible do jokal buru bilale ke kaneno tout en gardant mengiemu mololal. Donc yora la be mu ñaw parce que jaat ajola panaya balulum ajola panaya bawolof ajola bandami panaya bobo. Donc il faut manana préparer bien à l'avance mbi angolen funaka fu furing da teral ku jabur nga ko kola di ke soumay momu kammi du lobal mbi yo lakuma mik mbi réformer badjo. Donc aussi il est pour cette voie là jaatando ma muñe bu kanako ko waré ko sanken kanako pen teñi les sou mata isu ko sukri mu kanay molil mais mbi bu kanako ko comprendre que mata jaat wawar lako man sanken mbi uyiliena jaatit mu kanayamu mandu ngole na heni wa ngole mi uregi très tôt du regi. Yo, donc c'est une contribution sans qu'on demande. Je pense que Rujanjam Djak au pop casse à fond. Jamais dans la langue le nyuto de elokola ils sont cocon de bidi kenum. Pambi kujo bote pte belli. Allô. Yes, Aha. Donc, nous avons eu un peu en fait, nous avons eu un pour sa contribution parce que nous avons eu de la résistance. Chaque village a sa réalité en marche de production. A sa propre réalité. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette instruction car il faudrait sentir que le gouvernement, l'enfant, il faudrait accepter par exemple que cette personne prend le phare de ce groupe. Je pense qu'il est nécessaire, si le tout est par le bien, que les gens voient comment, en fait, organiser le groupe pour que tout le monde en profite, pour que tout le monde y prenne part. Mais à pour une fois, quand je le décide, mon village, c'est un débat couvert, je lance et je m'appelle pour relance à tout le monde. Que chacun vous puisse le comprendre, que ce n'est pas un but. Parce qu'en matière de beaucoup, vous comprendrez que quand c'est décidé, c'est décidé. On ne remet jamais en cause une décision de beaucoup. Mais il s'est prouvé que quand vous allez le dérivement de beaucoup, il y a eu des choses qui ont changé, des choses qu'on a annulées, ce qu'on a fait tenir. Parce qu'en fait, ça conduit à la réalité. Je parle de manière superficielle. Parce que j'ai une grande chose comme ça. Vous avez bien dit que le débat parle des choses de beaucoup qui ne soient superficielles. C'est-à-dire que, quand on est réactivé, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, D'accord, Sonko. Notre prochain auditeur, Badje, donc en pop en ligne comme ça. Landing Diata, Landing, si vous nous entendez. Landing Boukesoumey. Allô, Landing. Allô, Landing. Allô. Bon, en attendant, je vais prendre Libas Koli. Landing ne nous entend pas. Et je reviendrai à vous, sinon je vous rappelle. Allô, Libas. Libas. Voilà, il faut parler un peu fort parce que je rappelle que Sonko est avec un téléphone, c'est pour cela que l'audition n'est pas assez claire, il faut parler un peu fort. Oui, oui, allez-y. Allô, Libas, oui, allez-y. Oui, mais René Ousanken, un peu fort, Manu Djami, oui. Un peu fort, Libas. Je dis, je peux être d'accord, l'État, c'est l'État. Donc, à la limite, c'est un événement qui va renoncer. Un événement des gens, donc moi, je vais beaucoup plus le côté sanitaire, bon, avec les risques de maladie, des périodes de diarrhée. Je pense que l'État, en tant que, en tout cas, surtout responsable, devait à la limite prendre des mesures, peut-être envoyer une équipe médicale. À la limite, je suis d'accord, parce qu'au fond, là, si jamais une épidémie qui survient, par exemple, à Dakar, et ces gens-là, ils vont se disperser un peu partout. L'épidémie pour envoyer Dakar, de ce côté-là, j'ai vu. Aller demander de l'argent à l'État, là, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, j'ai raison. Un politicien, quand il fait les choses, il ne fait pas comme ça. Maintenant, les étrangers, là, les femmes qui sont venus, les femmes qui sont venus pour manger tout ça, mais ils sont venus pour quoi? Ils ne sont pas venus pour manger. Qu'est-ce que Karchak va nous demander? Parce que souvent, quand on peut, moi, personnellement, ce que je connais pour moi, souvent, c'est les gens, souvent, les gens, il y a bien sûr autre chose. Qu'est-ce que les gens vont voir? Parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent à l'extérieur du Mont Sacré, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du Mont Sacré. Les étrangers, en tout cas, les gens qui ne sont pas idiots là, parce que vous, en fait, moi, ce n'est pas conseil pour vous dans le Mont Sacré, qu'est-ce qu'ils vont voir? À part ce qui est à l'intérieur du Mont Sacré, qu'est-ce qu'ils vont voir? Il veut manger, mais c'est pas ça l'essentiel, manger, manger. On peut manger que chez eux là, mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Quelque chose qui va leur manquer, à part la danse, qu'est-ce qu'ils vont voir? Quelque chose d'exemplaire qu'ils vont voir. Le gars aussi a parlé, je ne sais pas, bon, peut-être j'ai mal compris que les gens, peut-être que les initiés vont voir pour une langue de sang, est-ce qu'il a parlé dans les rangs, tout ça, donc il a avancé un chiffre de 20 km. Si je comprends bien, c'est comme si quelque part, peut-être que les gens auront manqué la distance d'une autre mort là. Et moi, je vais y aller, mais je ne sais pas si ça se voit, mais je ne sais pas. Je trouve que quand même, c'est... Je ne sais pas. Donc, je vais peut-être revenir plus tard sur la question, mais j'ai vraiment une question à poser par rapport à ça. Et puis, je pense que ça... J'ai plein de choses à dire, mais je pense que pour le moment, moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est l'aspect argent et travail. Parce qu'au fond, là, on est à l'extérieur, là. Moi, je pense que Karchak gagnerait beaucoup plus à faire des statistiques d'abord pour savoir il y a combien de quartiers. C'est facile à faire, hein? On parle de quartier parce qu'au fond, là, chaque famille est plus connaissante, on fait des statistiques pour savoir il y a combien de gens de quartier qui sont à l'étranger. Non seulement ça peut les servir par rapport au bon sacré, mais pour autre chose. Donc, à partir de là, par exemple, pour les événements futurs, on compte évidemment qu'est-ce qu'ils empêchent, pourquoi pas aux gens et pourquoi pas. Parce que souvent, les gens de l'extérieur, hein, les pays de l'Occident, là, à peu près, là, on a plus ou moins les calendriers similaires, là. On organise un bon sacré, pas un bon sacré, on organise un bon sacré pour les gens qui sont au Sénégal. Maintenant, si parmi ces gens-là, ceux qui sont à l'extérieur, certes, on a la possibilité de venir, bien sûr, maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, maintenant, on organise un bon sacré. Parce que nous, ici, écoute, le blanc ici, au sacré. Les gens de l'Occident, là, je veux dire, on ne pourra pas croire à certaines choses. Hein. Les gens auront la difficulté, en tout cas, moi, personnellement, ou quelqu'un d'autre, aura la difficulté à, c'est pas assez de travailler quelque part, aller vers son patron, je veux dire, et pour mentir, il y a des gens pour lui que j'ai un décès. Mais c'est grave de mentir sur l'amour de quelqu'un ou pousser une fausse main de quelqu'un pour aller chercher une pénis ou quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas expliquer à ton patron pour lui que je dois en sentir? Il faut donner des raisons, voilà, et puis que ça va la vérité. Tu vois? La deuxième chose aussi, par exemple, c'est le problème du bien d'abord. Je prends l'exemple des gens qui sont au Canada. Parce que tu sais, au pays, les gens, une fois que tu as pris le bien d'avion, tu prends le bien d'avion, tu quittes le Sénégal, hop, tu as des millions. Mais c'est pas ça. La vie est difficile à l'Occident, la vie est difficile au Canada, la vie est difficile au Sénégal. Pour aller au Sénégal, je vous dis actuellement, le bien ici, le moins cher, mais c'est ça que nous donne pour aller au Canada, pour les gens qui sont au Canada, aller en tout cas à Montréal même, aller reconsacrer 200 000 francs, c'est quoi? Mais t'es corrompt, c'est de l'argent, et sans compte, tu vas aller, même si tu prends, là actuellement, là où tu prends des millions, puis les gens vont se prendre. Mais tu prends sur place, les gens parfois, inconsciemment, ils vont vouloir que tu prennes pour en charge, mais c'est de l'argent. On n'a pas les ministres. Donc, il va falloir quelque part qu'on ne voit pas, il va falloir quelque part que les gens, on ne parle pas, peut-être que d'adapter, peut-être pas aménager. Moi, je ne sais pas. Adapter, cela ne va pas de changer. Quand on dit adapter quelque chose, ce n'est pas forcément changer. C'est pas, on peut peut-être jouer sur les dates, l'espace, tout ça, pour essayer de voir quelque chose qui va baisser. Parce qu'au fond, les gens-là, si tu prends au Sénégal, il y a beaucoup de gens, ils se rêvent. C'est comme ça qu'on dit dans le langage courant. Mais après, qu'est-ce que vous voulez vous faire ici? Je parle dans mon cas. Et de vous chercher le savoir, mais et de l'argent, il faut dire ça par les mots. On est venu chercher de l'argent, mais principalement de l'argent. Mais il n'est pas question de cet argent-là, qu'on l'a gaspillé comme ça. Il faut faire attention, hein. Vous invitez les gens, vous faites de la publicité, tout ça, je ne sais pas quel est le but. Quel est le but de cette publicité? Moi, je pense que c'est pour attirer des étrangers. Il faut les nourrir. Qui va les nourrir? Mais voilà, c'est une question. Écoute, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, là. Ou bien le gars là, Balam, aussi les éditeurs qui m'écoutent là, qui me pardonnent, parce que moi je connais bien Karchak là, donc on ne peut pas très bien quand même. Donc il y a un bel là, donc Karchak, quand il y a un enfant, il y a un enfant aussi parfois, il y a quoi. Donc il faut faire attention, c'est là. On est dans un monde où les facteurs font cela, ils vont être contents de penser, de dépenser l'argent, etc. Et puis encore, on voit ça que là, personnellement, il faut le voir plus ou moins comme un mariage. Un mariage, une personne, quand tu organises un mariage, tu peux dépenser tes frères pour te soutenir et peut-être parfois certaines personnes, ça dépend des liens que tu as, tu peux parfois à la limite accepter que certaines des amis aient été testées. À part ça, je ne suis pas d'accord que l'État, aucune partie contre ou quiconque, ait à mettre son argent dans le bon sac. Pour moi, ce n'est pas digne d'un vrai cas-là, ce n'est pas digne d'un vrai cas de moi. Je vous remercie. Merci de l'avoir dit. Merci beaucoup Libas Koli. Donc Sonko a noté quelques questions que vous avez mentionnées. mais par la suite on l'a perdu. J'ai préféré donc terminer avec toi, comme ça après je vais les rappeler, parce que chers auditeurs, on s'excuse, comme je vous le disais, l'entrevue se fait via son téléphone cellulaire, on l'a perdu, mais je vais les rappeler tout à l'heure. Et donc ne quittez pas, quand je vais l'appeler, je vais lui transmettre le reste des questions et puis il va répondre là-dessus. En attendant, je vais le prendre parce que il insiste, je vais donc le rappeler. Il s'agit de Landing Diatta qui appelle depuis le Sénégal. Chers auditeurs, nous vous rappelons que vous suivez Radio Tandouk Online. Allô, Alanding. Oui. Bougou Kessoumé. Kessoumé, qu'est-ce que... Et Oussambari, quand la ligne est un peu occupée, il y avait quelqu'un qui posait une question entre-temps, d'ailleurs, en attendant... mais malheureusement, c'est que l'entrevue se passe via son téléphone cellulaire. On vient même de le perdre, mais allez-y. Ok, il n'y a pas un podcast interdit, mais pas en forme. De là, pas qu'il y a un peu son corps, de là, qu'il y a un peu de temps pour le mettre, pour le mettre. Et parce que mes coupes d'un gars, il y a un peu de temps, il y a une émission. Émission est à date. Quand on fait un fan, on mange la journée, la journée, faut pas bâtir à 5 ans. Et j'ai dit, on boit à 5 ans, l'état 5 ans. Et on dit, mais j'ai un son calme, ou rindé la journée, ou jolé. Je me sens que je me réel la orique bleue, et me t'ai oulé au fif baké. Quand j'ai la carte carte, quand j'ai un boit à la canne, et me t'ai oulé au fif baké, qu'on a qu'un que soumé, qu'on pourrait que soumé. Quand j'ai un mille que l'équipe nul, et me t'ai pop, et oulé que soumé. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Du bala lora balalal kujole ko periko balalal noko noko tando manjat an wanosa wandu jale kan wari ngenon kemi rindi mamu kanako teku jamu pankanan kalangan furin fandi jame bare pop ke isenu jat nanosa ndu wankale wafunan wankar chaku wankulami ajula panajaw amanding panajaw awolof panajaw alulum panajaw babu kanako buru nipe annosa nduja ya kaonor kia kajake na nduja ulon kaona kia kajake do manjone pop enja te duwa ajula e duwa pane jabi amanding e duwa pane jabi awlo fe duwa pane jabi donc karambe na kankula kemi urambe na jato wafano kore nanu let elaw sikuri bare uja jato ya jora bukana kumeng na momo bajibay nufuwa usumutu wa mengwe nikewa aksidansa nyengwe sandu manjone karcha kedil ku ngolen ku topotorso djule ku tankura menil eta senegal de ramenil dika poya kata ku nyelaku dika poya kata bukana ko peka je mbobo ye kan mi jak mon ale e kuria ta eta e wateno kembo e kuria watana kombo eta ware jum ndike sume ku barka chak a djule ara ar jum ku sume ku barka chak baye dile e kan il faut man karcha kito kuja kuju ku les autorités koko manje ay ko wara mi ko san ka san kanako e balote law sikuri bo de klan ke wona jola awar makana jola ba manjo dana jola war teh jola ba manjo tana se ka war mare ko ando jola se ka ma manjo bo kanako pe ko ma manjo bare wando ma mi jat e ndomre ka duo sonko di pop ka encourager fu juma fany mata fu sumut ka ken e jawro na jab mo fu mata ko lof do naw mu kanu ba du jola taw mom bo ka gitu mo yo majaka momuro katonom to ko do tano sama trompo kana ko balo ba dak makulu wano san kunyela kate karcha inde mabere joki bu kana san e kulli mindi ku kamana ko tano san tan ku je ku pe buro na mambu ka ko kan meno donc any to tebe e fu pebo de ka sangen kata kumpay ku bajay e mi tare pane wuni ke sume pano walde ke sume parce que la ku jole ko no ra manja ya do na kan mi ku je e ajole e ba sans manu ko men bokan kare en nan ka ko men ka bukut yo o bajo nano balola ñu bajo si ma yara yemuk don kar no sa no bajo manu jaw kartak e kuriyeru kando e boyeru kando aneru boñu ma ndole wa ne mete chamin dañ ko jëlé ko pa ñu ñu ko ciam ka mi ñoom rewé la sonko diko ñoon ta ñu ko ko ko do te ñu ko ko ñu asaf la ñoom ko do ñu ko tiam parce que bu ka nang ko ko bokal ciat na ma sonka la mo baye ko talan ko ko bakandu karanga ci nga si bi ñu na bo Dakar mu ko pe ñoom rewé ci sa fam di kan ba diko suma ko ko suma malaka. Merci beaucoup Landing Landing Diatta pour ta contribution et merci. Je rappelle que Landing il appelle depuis Dakar et donc il fait partie même du staff technique de la radio Radio Tandouk. Je vous rappelle que vous suivez Radio Tandouk online dans l'émission Buronsi Kambana, la voix des jeunes, et que donc nous sommes en entrevue avec Sonko, Yaya Sonko de Karitiak pour ce qui concerne le Boukout. Je vais très rapidement aller chercher Yaya. Comme je l'ai dit, Landing, quand tu étais rentré, ça a trouvé juste qu'on l'a perdu. Et je vais aller le chercher pour transmettre ta question. Et merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons bientôt joindre Yaya Sonko qui va donc nous donner ses réponses et puis ceux qui pensent aussi de contributions qui ont été avancées, notamment par Libas Koli et Landing Diatta. Allô? Allô? Oui, Sonko. Oui. Oui, Aouba le Lefang, mon ami téléphone, puis on y coupé. Et puis, entre-temps, il y a deux auditeurs qui sont entrés. Ils ont laissé d'aucuns leur contribution, qui a beaucoup de questions. D'accord. Donc, comment y transférer ça? Manu Aouba de Tofandoubi, Merek. Donc, chers auditeurs, vous nous excusez, c'est les aléas de la technologie. De temps en temps, on perd son corps comme il est au téléphone. Donc, la première personne, c'était Libas Koli qui appelle de Montréal, Canada aussi. C'est une contribution, je peux dire, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, toujours sur l'histoire de s'asseoir et revoir, pas changer, mais revoir si possible comment adapter le Boukout en fonction des réalités que nous vivons actuellement. Parce que effectivement, il a dit comme deux cons l'ont déjà souligné. Donc, dané matajabu kanako kujaburun jaburun kuke kuyayab effectivement kuolof kuke kululum kuke wanosan yokami d'où la nécessité de jau mbu ujokal comment organiser le Boukout kumbi ubujoral. Bon, fafuna benento kanak pani regu foma na ujam parce que dané aussi au côté dépenses parce que au mana djokum c'est comme si vous faites de la publicité mbibu kanaku kujol tout en sachant que bukanaku rin kujalo men manteli ay lete yaji wala letungol na lu senali kuri. Donc oh, il ne voit pas ça comme côté positif waru ngesato par rapport propaganda ando mande kan mbibu kanaku kujol alors que kujol il faut mon seni kuri il faut manon deil. Bon faut faut di tenir coup des jokoyola dané o adakorut mata eta e kanto kangen kolio au puro. Donc mukana mata jola et que donc il est hors de question l'état e kanto kangen golgo. Donc pour une demande sosigoba sur Joso ensemble pour par rapport aux deux auditeurs nanda banomi man a raccroché. Il y a un auditeur qui a appelé de Dakar, il s'appelle Landing Diatta, il est de Tendou que je connais bien. Bon pop déjà je peux dire presque puis commencer par lui en guise de réponse dans l'année l'agnento Libas Koli demanda sans que mimunya mata mata l'état no or dans pop de bajukera bola. Le fait de dire que attendez, il y a un peu de bruit là, Baba Djidi Bruit. Allô? Ah ok, il y avait trop de bruit de fond là, Momokane. Donc Alandine Dano Badjou Kerabola, Elokai, l'état kantokangenaku, c'est pas lak elok, kusensi kuri ou alare kusensi nang mambo kanako kuri. Au pour de Badjou Kerabola, bon alobo mounyaou, il faut tenir en compte que even na mayare nanu yo bukana ku panku jo ku jopo bandi bukana ku yalo ku jopo il faut par exemple manku ramben mata pour le côté soin, il faut côté pesticide, il faut côté mante bawo labo côté wano san côté sécurité. Donc doro routu solen solen jat man l'état effectivement ku kanto kangen kol yo eno pangole. Donc diba du kérol, mais après en tout pour tout il a commencé par kabal et lok jibalol mata furim fano ko renam ñew fe o alet asankena olofo na man lu tenduk o lobemi le furim fumbe mais kankan ke mikan fase ingeruto pop e jukayola de pop eno da yole yolento di pop o la tout kamirka sanken aussi bien di audi ndie di annonce na sanken di reje eno baba ana jame baba radio mata manda sanken mi muletemo da manjane let kasanken mata au na unonge musanken kasanken ke jeketi mais kasankenen mata ke micro mario mata wa fota bu kut ukan ka wa fo kané complexe yo da sanke mi manane vraiment o mu pop di ke duwa dané dabaje ko pala ka jopo e ke birin chonke sel bi yo bo banko mi nyaaw Dakar kat karciak donc ku ju ko reju ko nano san o mu ke duwa yi le mit kan l'événement e rin di ke soumay di ko noken di ke soumay di ko purul di ke soumay voilà momu ñe totate lu reey. Ok, merci beaucoup tous les deux auditeurs. J'aimerais saluer Mamak. D'abord, il commence à dire mon problème de publicité. Non, loin est sans faux. Parce que j'ai dit, d'un tout petit peu, c'est que j'ai mis un coup. Parce que c'est dans mon nom tout en roulant. Et elle a dit ça qu'elle me dit la fois pour qu'elle rencontre. Et elle a dit, mais elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit. C'est normal, c'est ça n'a pas de là. Il faut mal à l'ouvrir des gamins. Oui. Confrontation d'idées. Je crois que c'est extrêmement important pour Oulifan, parce que aussi Pandjou nous l'aurons au Chopin. Avec l'étapement de Manao, mais les canets mort, comme à l'aimant. Ou Manyamitil, ou Abimé, tout le monde a les canets l'aimant, et de rectifier. Mais je dis, il n'y a ni l'euro, il y a qu'il l'état. Quand il y a qu'il l'état, il faut pas l'annonce à nous. Parce que, est-ce que vous t'avez un peu pour vous d'attendre à nous pas passer un pays, est-ce que vous personnellement, un des films de sujet, est-ce que vous t'avez pas donc, aujourd'hui, il y a un dollar de Karchak, est-ce que vous faut, si vous avez un peu de temps, il y a un peu de temps, vous avez un peu de temps. Voilà. Mais, il faut même pas guider ce terme, ou bien le château de Yantour, il faut réhabiliter, du coup, on peut réhabiliter un d'un, et si vous nous portez un ensemble, vous. Mais alors ça nous dit puis nous rano, on y a au même rien maintenant au pognon. Et aussi le courant, bah bah si quelqu'un tombe, si courant est irrité tout bon. On a besoin quand même un peu de confort pour les invités. Courant est pas de carrière quoi, carrière est pas tout. Mais d'accord, c'est pourquoi l'État est voir un état d'expansion et la réhabilitation du réseau. Il y a des cartes. Mantenez mes terres où les mains qui va à frigo. On dit guider autour tout, pas guider dans le frigo, ou bien croiser la terre. Mambizine en guise et dépenser au haut. Comme un bouquin à commander, parce que comme il y a connu, c'est vrai que vous tampez vous, on a cacaillé dans le mario, mais vous tampez vous. Je crois que des loutons là, les cacaillés là, vous fangez, vous allez voir que vous avez fait un coup de temps, vous avez fait un coup de temps. Non, vous avez fait un coup de temps pour les. Mais vous connaissez aussi, il faut même qu'on calme. C'est vrai que moi, ñamu parce que no étude so simple mais ñe duri ngeer intin ka ko ma jone le ngono kana ma parce que o manya rakam ma ngola to to wa dosa ano c'est vrai le pied du tour le ki bukan kurimu le seno lari le seno lari do yakut ko mais xama tayolu la o manja borota le ka jere eno tampo mandoma me e gay eno o yati e capeto yo di lolo ko yo e palle fila gi leenu parce que non ça di te realité e manuma balu mingi o balu mere parce que manja man yo ko wa fat tam wa ko le pied e kari ame do jakko o la du kemi do kene baba ke tra ndilime mambura ko le loyo e je crois que il faut l'état aussi intervenir manera mbe bukanaku parce que aujourd'hui l'antenne médicale est une nécessité à Kaka ya non seulement pour bukanakando mi mais les villages environnants parce que des bagues l'antenne médicale avec une ambulance médicalisée il doit dire en dessous mot send on peut que les appeler l'ambulance mais qu'il y a le bébé parce que on dit au plus des bagues aussi des médecins kabage send les gens, les populations, ça, sont coudement que soignent gratuitement. C'est au plus pour apporter aux populations. Ce n'est pas mon que c'est final, ce n'est pas mon déwaké. Mais quand même, je crois qu'il faut nous savoir. Moi, je vais avoir le monde de Hollande. Personnellement, moi, je vais vous faire ça. Je vais vous laisser un an, je vais vous laisser un an. C'est là. Pour aller, c'est normal. Nous, mais c'est normal. Si vous avez seulement, il a fallu, mon coup de bonheur, et les Kibiri, je te dis, je vous donne un exemple, ce qui est bizarre. Quand tu prends un puits, il y a du tout mou. En faisant des pluies, le puits est arrêté. Donc, pour les rangs, il quitte le bac Mouma. Donc, présentement, Mouma la moitié, c'est curieux et c'est comme ça. Donc, on a besoin des citernes, on a besoin de la réhabilitation du réseau hydraulique Yamé-Karka, parce que c'est important pour nous tous, pour la santé. Parce que moi, je suis obligé d'utiliser de l'eau et d'accord finalement. Et on est droit fait, c'est pour que maintenant on a la bombe d'accord. Et nous sommes dans une zone éloignée. Et pas quand tu prends certains quartiers sont loin, tu n'es pas fond. En demandant, moi, les plus soit les cités. Ok, merci, je vous remercie. Vous m'avez contribué à ok. Merci beaucoup Sonko injomure leñu mani lobby mani beneni to na mandu lobo effectivement do ratisse artiste si question a soli koku gobaku donc pani commencer fatal l'état na mandu lobo na man atiola pop landing alobo mom eno moy mi mo jaat na mandu sanke na mata pambu u fekir du lakwa mandu mikel komaru jale be ka organiser si evenement sanno kore nanusu moi mi manoramu jaat letay way mi eta kum olal jaat nori kampo la panji be bukut na mandulo mom panji jobo tendu man ku bujule be manjire tendu ku le bukut bolil panu baj ani eta bukut man te tentan difuk da bellisi kok sate mano ani u yabumbu benen tori bukuta biya me panu ngar donc l'état yemi olal ana lobotmante lobeta ulu bajut jisinu limori non mais na mandulom ya des questions sans face jaat c'est des questions qui nécessitent mbi l'état engaso en charge parce que pourquoi bukan ka djoupo e ku djebe ka kemborubo bananku bi bon ka kembor wano san ungole ngole nu bajobo wandu face sembe sata karetiak lakuyo sembe sata le département ta binjona sembe sata la région ta Casamance e ngole nu toto waf mante eta e ngole mi e kanto kangen koluyo donc moi mi mo inji pani rappeler to to te kapunyu ku leto ban pop na malandi ngalo mom uyo le na diku balolal e même uli tendu nan kam mi bu kutebu effectivement eta baba ji participation yank boñulo mais di bu kanaku ri baju ker bolil u sankena u jaja bo biok tendu ku lañen parce que kankam bo uli yaw kiten jemme ku ndebulu wonk mofu tubi ku jolu mbulu seni kuri digi cellulimentaire e iloyano panko menul hani ji lañen ujo yo e kammi me letelo mante e latmata e latmata eta e warte kanto kangenyo au contraire eta e kan to kangenyo uli panu lew Ujo, benento na mandulo kwa mimi totoote, donk olal mumel ya tani ya jore, fomambukan. C'est une culture, c'est notre culture. Olal ukendite magal, ukendite, si he usake sabaje mbobo babu, nambanjo mbon Dakar, maheni eta akuramben. Donk olalu bajali hii wafu olo la wandu fwa uurimi di olal, ewa ware nento kangen kolo yo. C'est normal et on la peau qu'il a donc on n'exclut pas na mandolo mom des ambulances ko bembo même les agents de croix rouge bano san manté la police la gendarmerie pour hi manté hi bukan kallo be di ko joomi le telori ko sofa mairie ko joomi ko ni andi hani je kat fureur ru jalalo il va de soi parce que même na mandolo mom ñaw le sous préfet pana jaw les autorités pan ko jaw donc wando face mata pan ko jaw ko waré ko kanto kangen ko lo. Eh yo yo ye donc maningaro atiola le muniro jeme dalla la nyara polerane baba juanda amang ebotem kabenento manu jamal aw ko biya di bruila aw ko allo muniro Allô Muniro. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez Radio Tandouk Online et que nous sommes aujourd'hui avec Yaya Sonko de Karetiak dans l'émission La Voix des Jeunes Burundi Kambana. Allô Muniru? Oui, allô. Allô, oui, vous êtes en direct. Aho Murieli Nyaï, Oujao. Oui, d'accord. Donc, je disais que donc, Pambidi Balon, parce que Nila Lalan, parce que Kassankana Kuri Nyuto, les Mati et Nyes B. Kakem Fri Mafouni, mais Elo Nyu Mati. Nous allons encore casser parce que les questions nous posées parce que nous tiens monté et à écouter quand on est junior et parce que il faut que nous mangeons aucun parce que une déjà est-ce que l'État a participé, mais n'oublions pas qu'un État aussi a plusieurs missions vis-à-vis de sa population. L'État a une mission régalienne, l'État a une mission de protection. L'État a une mission de protection de la culture. Or, nous sommes en train de parler de culture. Donc, quand je dis participation de l'État, l'État aussi doit envoyer ses représentants pour encadrer un tel événement culturel. Il ne s'agit pas de dire à l'État d'aller demander des fonds ou demander du riz ou quoi que ce soit. Mais l'État, dans sa mission, c'est au moins des centaines de Sénégalais qui se rencontrent quelque part dans un lieu bien indiqué. Il revient à l'État de veiller à ce que la sécurité des personnes et des biens soit réglementée. Et mon frère Yaya Sonko l'a dit, que actuellement, nous ne sommes pas en train de se faire, nous ne sommes pas en train de se Maintenant, l'infirmier, le docteur de Karchak, il ne peut rien faire parce que lui-même, il est sous l'emprise de cette culture-là. Donc, il faut que l'État envoie des médecins, des infirmiers, une ambulance parce que maintenant, il dit que Karchak, il dépend de d'autres sites, où c'est Bignona, où c'est Tchonkissil. Mais s'il y a un blessé grave, au lieu d'être évacué, mais s'il y a un dispositif de santé, Yanto, il y a 4 les soins minimums avant de l'évacuer. C'est un point très sensible. Moi, je prends l'exemple de Baila Ndiati Baila, Foutam Pafou. Ou Bagus Baila, Erokot, Yanou Mange, Bioko, Oulalawa, Oulalawa, mais là, on a Karchak, ça fait partie des plus grands villages de la Casamance, des plus gros villages de la Casamance. Mais Hati Wolibay, les Choukouyaïkoum, il a, à un certain moment, Bete Badmoumel, Ingya Sankenenya, je me réveille tous les jours, 5h du matin, quand moi, parce que isu ke yito loja si ko la nga so yomb iyo iyo donc il faut man l'état e kanto kenin ko le ra mbo kan konde law l'état bare l'état fo yo ware mo man ko kawo parce que quand on boutier du boutier donc voilà faut temps pour majale et là ou tien ngol me djuma la bam po fo be djuma la mbi na mangi dak sanke ñam bi bu kana ku sabari parce que voilà babé nité que le yo kankan ka jax solo du ko ñuma kankan ka sanke mata e ciossane et djoule les camps wa bi les kayile bare ka sanke ko jax mu du kana du may mati di bakandere batemte ka sanke na kat ku ko jitumi di ko may mati ana ko ri ñe ci wo parce que ana ri mut D'accord, chers auditeurs, merci beaucoup donc Mouniru. Allô Sonko? Allô Sonko? Sonko donc Nadia Diaw ko mani lañu jay ngess lol mati kemika kusun sum fam fam kemika kusun sum fam fam mais malheureusement namandire go mankor sonko telephone dam momo kami pandawun kul pandu sofa lol inde pan eligne coupé mais panu la ñalu ngesu la lol man ufabelal kemika ku kololal manu fabela kemika ku kololal en attendant ya modula kila Allô? Allô, Modou? Allez chercher Mamadou, après on va revenir sur Sonko. Allô Modou? Allô Modou? Oui? Voilà, au balom donc, Nandoula Komé Onkoul, j'étais en train de rappeler Sonko, mais c'est pas grave, vas-y, après n'y a pas ni transmettre, parce qu'on l'avait encore perdu, mais où y'a? Oui, c'est ça, c'est comme je pense que c'est à tous les niveaux. Moi, je pense que c'est à mon niveau. Mais j'ai constaté qu'il y a partout. Donc, c'est pas à mon niveau seulement. Donc. Voilà. C'est pourquoi quelques discussions, je n'arrive pas à entendre. Quoi. Après, c'est après lors des interventions que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai eu entre-temps des coupures là. On a essayé justement d'arriver. Voilà, on a une autre parce qu'on est imaginé du coup de la sanction, mais c'est affaire d'État qui a intervenu infirmière, parce qu'on n'a pas tant, parce qu'on a un petit, parce qu'avec le réseau qui n'est pas stable là. C'est ça, l'essentiel c'est ça, mata l'intervention, yata l'État, yoroma mounyerio, babaji controverse, babaji alobe, est-ce que l'État, babaji participation, yanko sene, bon, Sonko a bien précisé que, a diamorot, mais rane, alobout kusenout, mata, wafuandu manje nike mante karicha kero roku mante pop kuke kuja jam o ajamorot me di o ejamyola ajamorot mais aussi effectivement c'est quelque chose wan fase on l'exclut pas parce que bukan kajupo e kujebe kaya jorbo momo kami odi ejukayola kungo lenjaku kanto kangen kolil panjak bori mata bukana ku burom le karicha keb me ano ana jalo mata pour des raisons de santé pour des raisons mata mo mel l'électricité mata les moustiques babu itu momo kami etare ngone e kan donc toro ma munya OK alors mani ma bani remonte mantina par rapport eta inye dès que une personne ma namman son ko regu mero ini kan on dom rewi ni ben fat ene nek ka ni ko le djaka mata nam man ni meno kay ko ci bukan nek nan ko nek ko ba nek non e ci ni de fat de ko la ko wala rek dimi rek groupe ndam ni intervenir no manera go mata ko ni djaka bukan ko ni defal sun ko Amin ya rabbi modula uliko ko re safi bo famfang o saf ko ti kata bi njona a o muri kapare be te jay bu kutab amin ya rabbi amin panu ya jora bo mo botora le li way yo donc chers auditeurs donc je vais aller reprendre Sonko, on est à la fin de l'émission, il va revenir nous donner ne serait-ce qu'une quinzaine de minutes pour conclure. Et je rappelle aux auditeurs qui avaient tenté de rappeler et qui n'ont pas pu nous joindre qu'ils peuvent rappeler, c'est normal, on ne peut pas mettre deux à la fois. Nous allons pas à pas, petit à petit l'oiseau fait son nid. On n'a pas assez de matériel pour pouvoir mixer tout le monde en même temps. C'est pour cela que nous sommes obligés de prendre une personne à la fois. Donc, je vais aller chercher Sonko et que... Allô, allô Sonko. Aou Sabari Lani Langi Diaou et entre temps, Bayem Baydou, auditeur Kawan Kolo, il y avait. Mais je l'ai pris, Dingaring Arkana, comment Kusanke Wanko, Aremi Kusanke Kuban, j'ai pris note, Mbiregi, Manongolen Ujala, parce que maintenant on est presque en fin d'émission, Mbou conclure. Donc, Oume Abenou Mimounye, Modula, qui a rappelé de Bignona. Effectivement, bot kabenenito, karambenito, namandu lobum, mata la question de l'état d'anomre salifamfang. Dane namandu sanke mi, moi mi mo, effectivement, di baju kerol, état ewawar e kanto kangen kolyo, namandu regam, umbi kungolen enday l'événement e djaw fekil man fam man soumé au comme ne quitte pas, je vais le prendre. Il y a une autre personne qui rappelle mon wal na longara surtout à la fois une bonne fois pour toutes bata bala oui soral allô Libas, allô Libas. D'accord. Allons-y, je pani il rappelle le après. Allô Libas. Allô Libas. Allô. Oui. Bon pani. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Oui, je vois que l'intervention, l'état, finalement, les gens ont pas confiance. Finalement, c'était pas facile. Hein? Tout ça, d'accord. Ah ah. Oui, tu es un furima pour oui, Koutouk. C'est l'occasion, mon cas, tout ça, parce que mon canac, parce que dans le papa, parce que mon canac, souvent, tout ça, mais, en fait, tout ça, mais, dans la vie, tout le monde, Je vais prendre waaw di même parce que man ñu nga bu parce que les chefs là jamais la man pas c'est une internet c'est pas juste quand même pas parler mais net c'est une internet sur rouge quand tu as je suis là au Canada mais je les ai vu et on va pas dire c'est pas question net c'est en tant que mais dire la publicité qu'est-ce qu'on cherche évidemment la publicité c'est pour moi il y a quelque chose là peut-être c'est pour internet commerçant ou pareil mais quand on parle mais maintenant quand on est là est-ce que c'est bien pour nous donc pour nous pour nous tout à l'heure je veux pas qu'à un moment donné le caractère casse c'est bien je sais pas les gens nationaux tout ça non mais moi tellement je comprends pas mais j'ai quelque part non pas d'enfermement de on va en clair par enfermement de carte à carte je sais que non c'est pas d'enfermement de carte à carte donc sinon vous avez un système sacré va disparaître et je ne veux pas que ça disparaisse mais quand il y a raison le bois sacré c'est la seule chose actuellement qui peut être dans quand on comprend que dans la famille mais dans la famille n'a pas de bâton en fait je veux aussi il ne faut pas qu'à un moment donné que la politique est en train de corrompre maintenant ma la bouche là que tu vois là c'est pas bon pourquoi parce que c'est de l'argent mais bon là c'est de l'argent quasiment avec la vie quasiment c'est d'ailleurs et de l'argent même pas de soucis pour les mais quasiment pour les combats de temps pour l'audio bien au nord et aussi bien pour les fonds car tu as beaucoup de manière c'est beaucoup de manière mais qu'on fasse quelque chose de bien c'est parce que j'aime quand quelqu'un pour les c'est les gens là parfois j'aime pas pour critiquer mais quelque part à un moment donné notre critique c'est bon c'est le cas à un moment donné les gens là c'est pour les mettre par aussi alors à un moment donné aussi c'est bien de temps en temps c'est tout critique c'est tout qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire mais par encore là c'est quelqu'un commande ok quelqu'un commande quelqu'un effectivement vous comprenez qu'on a il réagisse par rapport à la réalité, ils analysent par rapport à ce qu'on comprend, beaucoup dans la sphère là, c'est-à-dire alors direct, mais nous là, un peu là-haut. On parle là-haut, on est Libas, on est Demi, dans l'école. Mais comment il y a beaucoup de l'école, on a une classe de drogue, mais comment il y a beaucoup de l'école, beaucoup de l'école, beaucoup de l'école, beaucoup de l'école, beaucoup de l'école, beaucoup de l'école, beaucoup man ko ko faawla wala ko no manja man yalla fi amati jaro mo yebe kana ni kuri man ka jaka man ko ni ko kana mo ni kan ko ko ko pramati ni ni man ka ni mari man kan mo ko faawla manja me galam ko yoni me ka ko ko faawla d'accord ko be ket man ko sna mo nya ko ko sna mo ko ket ko sna mo wala ko la ko ta sembe ci ka ka yon man yebe ci ko man ni ende man enya pokete no me no mo me le mo te fu mo dinga ni ka sanke pati ka sanke man nya mi ka pasi ka o ge sanke nya ka o rek se ka sanke ka te ka e mo ko den ka sanke nya ka o ne ko ka ne ka ne ko ne fu se ko pa ka o mo man mo dam pa je le person ko ne be dam so pa ne ne ka te ka te pa sa nya ni mo kan kon ko se se tra ka na ka sanke ne mo kan pa sa ba ne ya o fu enya wa ko sanke ko mo yo si moi-même, si c'est possible, à chaque fois ça ferait après, moi-même, si c'est possible, à la place même de la publicité. Moi, je vais faire ceci. D'accord. Qu'est-ce que les gens là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, non, il y aura ceci, il y aura cela. Enfin, tu vas voir Alexis de Poutou, D'accord. Libas? Oui. Oui, je vais te remercier. Mata, effectivement, on est maintenant presque à 5 minutes de la fin. Il va falloir qu'on libère, bien sûr, notre auditeur Yaya, parce qu'il a d'autres engagements. Oui. Et merci beaucoup. Merci encore une fois pour ta contribution, Namando Regoumé. Allô? Ok, chers auditeurs, Ndiomri Karapoléou, vous suivez Radio Tandouk Online, l'émission La Voix des Jeunes Burunsi Kambano. Et Libas, en attendant, man cumulé donc les deux questions. Mani Lanyin de So à Tiolal, Anemi Yaya Sonko, parce que si Yalo Diaw à la fois, Yoni la Koyme Lobo, donc Ritembe Man Libas Awonkolo. Allô, Sonko? Oui, Aou Sabari, parce que Nandou la Kwanka Sankena encore Libas à l'agnolo, Mana Lagna Benentoka Wonor Kola, Menye Dinganga Sunyi, tout manière Aou ou porte tes éclaircissements, mbu banal ñe du sanké wandu wonoru tom man émission nga ban donc dalla lo lañ bot e lob kana ko wallo be mino a d'accord tu mata la participation ata état mais effectivement kemik na mandulo balé mom kokuité nen ke soufoun donc dané effectivement na manuma gorlom question de santé umure guro mata mo melam umure guro mata la sécurité donc effectivement côté yoyoyo da d'accord orane man da juken tom côté ayati mata e lobay manté gisinule sina manore bon et tout a no sandi ka jukera kola rika onora kola mi inje ulikane mi kujeme kundaku uli puruli bio be jaat hani sako senu le mano sonko reji yab manji nga manji siluli eh bajut kapunyu kake kanto jaat mim mu janyuro marimo mata bukut no miu dinji pine bukut mante tendu karecha kanyobo chonkesil kalofum kebu kujebete jol me jari nji pine bukut an pene puru mante kebiring mante Saint Louis andu manje sa ana manjuto mante bo babu dakaji manjore de joko na futok bote jol bote jo mankanem eno koko buku umi tipneyo par mil ça va faire des millions et finalement leji ngolen ji teb hani ji baje manji baje leji ngolen ji teb yo kami dou la nécessité parce que bu kanku je bo kaya jor bo ku jopo jopo donc mo kamirene wano sa wanku ngolen ko sen sinang matériel ambulance wano san ji yab kapuñ ku leto uli ñeeno ji puño puño di joni ku jabote sen wodi ji ku senu li tendu ku mbongaloso eh eno mantemi eno kapuñu konto donc waaw wo mi dala lo lañ boté gor mata bon il faut mana insister bon yo popani ndeto furima fumbe balay katé mano sanken matari baju kérol effectivement beaucoup légui bomu lajo il faut man bukana ko ku montrer bukana ka bimé jol les étrangers ka bimé jol l'utilité c'est quoi après di boma ju après foriafu c'est quoi l'utilité di beaucoup en milieu jola wa kamiri lo panin deto kana ko mbibu kana ko balo la kamiri ka janten yo emi effectivement uju jamana opinum babu le man ji kamisi démarche so eno mbeta bu nigebu mata bambu kana ko jembete tay mata wan ya une signification ana u jaw manu mat hani rukanta jola panu juk an kama ajola u jandikone ajola furi mo fakon ute jamulum kama ajola u juda baji sembe tati jamulum ujuk ajola uda janten anafana ola parce que tout à l'heure dou lobello mata kebiri nan l'événement est annoncé même ku seka ko emejura andu fa mata abilote tey bukut mais rasa l'état bungo pana goubem fu ke fola si roba si neni nen si pantalon asi neni nen le pourquoi mais ça a une signification donc wori baju mani benento mani kati donc mano fabel donc na mandila be munyaw o melle mu kaw libas sa 70 commencé mais lobby so emi sata par rapport o malagne lo tomi manalagne benento mataleta o emi muniru jeme di ni modu la popra la lo lanka bi mbinjona e manalagne benento man renforcer wakone wu dane effectivement il faut man bokana ko ko sankenor man koulor londo kawlo rek londo koko kanemi am panu softo furim du lok nam manaw lo bonno inje mari sofeneno barekama namanu masanke mi komani benentoma wala mani purentoma eh dane popo mure safi meme ko vraiment disolle no solle samante pamba jolum bo abaje leura dane pana jol aje mi kunde eh mbiji buji si besu ya d'accord be ko mo sebe ya ke sando foko mi allo yo okay merci d'abord je remercie tout le monde. J'ai m'exprimé en français d'abord parce qu'on a commencé en français. Après, je terminerai par le Jola. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui, vraiment, d'être reçu par votre radio. Parce qu'aujourd'hui, le Bukut, son importance, tous les Jola le savent. C'est un moyen, un examen de passage obligé des non-initiés à la classe de l'homme accompli. Donc, toute la diaspora, toute la diaspora, tout le monde, les habitants de Karkiak, au niveau local, la diaspora, les relations familiales, parentales, au niveau des autres villages, sont donc conviés à cet événement. C'est pourquoi nous tenons à remercier tous les différents intervenants pour leur contribution. beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour, par rapport au beaucoup? Pourquoi je m'exprime en français? Parce que c'est pour la peine que je vais lancer à l'État. Hein? Je dis que moi, c'est vous, c'est les autres. Moi, chaque mois, on me coupe les impôts. Donc, si l'État doit me donner du lui, ce n'est pas la parole. C'est notre argent. Pourquoi me refuser? Moi, je ne vois pas la nécessité de refuser l'héritage ou un autre don alimentaire. Je pense que refuser serait une grosse erreur qu'on commettrait. Bien entendu, ce n'est pas un sac qu'on va donner pour tout le village. Mm-hmm. Comme, ça, vraiment, ça ne nécessite pas de l'intervention. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un état et nous avons besoin de son soutien, de son support à tous les niveaux. Je ne reviendrai pas sur les promesses sur lesquelles l'État interviendra. Maintenant, pour revenir, pour parler de comment faire pour pérenniser et comment mener à bien le beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, le Diola, comme je l'ai dit tantôt, c'est la seule technique qui doit être jalouse de ce rituel, de cette pratique, de cette cérémonie. Le beaucoup. Parce que pendant 3 ans, le futur unité est soumis à une fois à un code de conduite très strict. Si je désobéis à ce code de conduite, vous savez, c'est des amendes, c'est des brimades. Et ça, tout le monde le sait. Que ce soit même au niveau des initiés. Nous autres, ils vont enfreindre à ces lois-là, enfreindre à ces lois, et vous savez ce que cela et beaucoup chez les femmes mariées. Donc je crois que si aujourd'hui, beaucoup de gens sont jaloux de notre du Diola, c'est à cause de cette éducation que le futur illustré, à laquelle il est soumis pendant des années. Mm-hmm. Et même au-delà du beaucoup, il est encore soumis à ce code de conduite. Donc, comment faire pour mieux organiser le beaucoup parce que le débat reste ouvert. Et chacun de nous doit apporter sa modeste contribution pour le bien, le bon déroulement du beaucoup. Il ne s'agit pas de réformer, il ne s'agit pas de changer, mais il s'agit d'adapter selon les réalités locales pour mieux organiser et pour avoir une participation massive des populations lors de l'organisation de cet événement. Il a une réunion de question. Parce que, qui est-ce que vous connaissez? ñew ci lo ci bu kenn tout bo jongor lo de mo jongor lo mo ci ci sa bari mo ci tuuli mo ci tuuli mo ci tuuli e ngono ci ko do radio lo mané gi ciul bu ci wala fa ñax mu ko bajio e kammi ka dirisa ka to ka le ma ka to ko baj ci de ta jaxé ma be mo le rekam bro ka ba ka fa yo mi ñaar ci woro na amin ya rabbi amin. Merci Ouli Pop Kokouri Kalani, remercie vraiment Yaya Sonko pour ta disponibilité. Donc, émission Aïe, Yanemi, La Voix des Jeunes Bourons, c'est Kambana. D'ailleurs, objectif Yol, Yoemi Yoyu, Umbi, Akambana, Okambana, Rafas, Waema, Kambana, Tairubi, Mering, après, des colloques en dernière en afan. Yoru Lobo Mounye, Yoemi, beaucoup. Adjole etapa yo yow yu ngolen tu brilé yo sans ou passer par beaucoup mata anao teitu nja beaucoup unafano mando nafano ure mando re pan ring kasanken kando manje wala tintando manje ring duru ingere suka yole pankone hani autate warutu ringuto mata au uteyut donc yo kamina mando lo mom uprenato jat wafu weme kuru gumbolare rolal. Donc, Uliko Kurika remercie Fanfan du remercier les auditeurs ban dika duwa namandu lomom mtikan bukuta buri ndika soumay bukana kuriko noken ndika soumay kabime joriku jorika soumay ndiko landika soumay emiten nen tokangen yo man wanosen lengini yo lengini jambe bajuto anosen ringulo mi alanye lañ da kontan atebel yo ay bio jopo atiyom libas akoli matasi besu injom relo bo fanfan di manjo manje ageke manano mata njebote joli lakoto mandiri mandi tep pani tebi jay len sindo ibondi lañu joli rewa ngaño tomi donc gisa for bo fanfan un peu bela kabal bu kala kuni sana kololal manjo ngale na lo yule da bika sanke na kololal mo sanke na ne tun katin rukanale wala kajone na bendu yule na yule mambe ku babu la ko bomu man ko sabare mati wi gita amu sa ayi parce que ko kone pour ni ku ite man ko sanke wa parce que tampo andu ma ko ne waral flo bobo or man ko sanke na woti ke du sanke nale ko mal ketri bu kanap buro D'accord, merci beaucoup, merci, merci chers auditeurs. Donc, nous allons nous arrêter là. Et vous donner rendez-vous le samedi prochain. Vous connaîtrez le thème et le sujet de l'émission au plus tard le mercredi. Et bon week-end. Jésus.